Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès C'est Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va écouter le top 20 francophone au complet, donc les pièces préférées des animateurs de C'est Fou. La semaine passée, le numéro 1 était Polype avec Presse Citron. On va savoir d'ici la fin de l'émission si c'est toujours au sommet. Mais avant ça, on a plein de nouvelles entrées à écouter. On en a 5 en tout. On va entendre une nouvelle pièce de Mimi Van Der Glo, une nouvelle de Jean Leloup. Il y a aussi quelques pièces en fait de la compilation Les Frères du Son. Mais on va débuter avec Vincent Vallière en 20e place. Voici Février tout de suite au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, su des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Frileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuque foulard. Encore, encore, encore, hein. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudit mois malfaisant. Je t'aime de temps en temps. Débine, février contre Diderot, février Valentine, faut qu'on se garde au chaud, février dans le noir, février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu chaud, février dans le bouchon. Ou dans le clos d'un canton. Février, dépression. Février, toucher le fond. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudit mois malfaisant. Je t'aime, mais pas tout le temps. C'est la fête, février des heures bêtes, février débarrasse, mets donc ça sa glace. Timo, dis-moi qui en finit pas, je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime. Mais plus maintenant. Numéro 19. Nouvelle entrée. Je me suis endormi dans le tard. Je me souviens sans corps, ou c'est le sol qui me fait trembler. J'ai jamais voulu te frapper. Valès Pariétaire et Givresse en 19e position du palmarès francophone. Ça vient de la compilation Les Frères du Son volume 1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur lesfrèresdusson.com. Il y a deux CD et plein de groupes vraiment géniaux là-dedans. Il y a aussi des balados diffusion des Frères du Son, une émission avec des entrevues, dont une entrevue avec Valès Pariétaire. Et parlant d'entrevue avec Valès Pariétaire, on les a eu aussi en entrevue à Assemblage Requis parce que c'est Valès Pariétaire qui fait la chanson thème d'Assemblage Requis. Ça, c'était vers la fin de 2009 cet automne. Donc, allez voir sur fou.ca pour télécharger cette balado-diffusion-là. Avant Valès Pariétaire, c'était Vincent Vallière avec Février, nouvelle entrée en 20e place, série de son album Le Monde Tourne Fort. Dans le prochain bloc, on va continuer les nouvelles entrées, il nous en reste trois, donc on va entendre Mimi Van Der Loo et Jean Leloup. Mais on débute avec une autre pièce de la compilation Les Frères du Son, voici Le Husky. Et dis-moi, tout de suite au palmarès, c'est fou, au 89.fm. Ça fait d'être détruit par les saisons. Quel effet ça fait de pousser les mauvais boutons. Quel effet ça fait d'oublier tous les bonbons. Quel effet ça fait de doucement perdre la raison. Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Quel effet ça fait de plus savoir comment rire. Quel effet ça fait de ne plus jamais sourire. Quel effet ça fait de se sentir engourdi. Quel effet ça fait de sentir la maladie. Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire. C'est-tu possible de revenir en arrière. Quand c'était beau. Ça fait d'être tout seul dans son lit. Gros comme une fourmi, triste comme un pissenlit. Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie. Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie. Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire. C'est-tu possible de revenir. Si tu veux, c'est de venir en arrière. Numéro 17. Nouvelle entrée. Mimi Manarlo et Hitler en chocolat en 16e position. C'est tout nouveau de leur album Radar et c'est le 42e extrait de cet album-là sur le palmarès. Avant, c'était Jean Leloup avec les moments parfaits de son album Mille excuses, mille dits. On a débuté le bloc avec Le Husky et Dis-moi, qui est une autre pièce de la compilation Les Frères du Son volume 1 que je vous rappelle de télécharger sur lesfrèresdusson.com. C'est une belle petite compilation sur deux CD. Ça vient vraiment remplacer Québec émergent comme la compilation de bonne musique à connaître de nos jours. Alors, le prochain bloc de ces palmarès C'est fou édition francophone, il va y avoir Les Amis au Pakistan et Bravo Funken, mais on débute avec une pièce qui descend de la 9e et maintenant en 15e place. C'est Elle de Marie-Pierre Arthur, tout de suite au 89.1 FM. Et vous écoutez les palmarès C'est fou édition francophone. Retour Bravo Funken, les amis au Pakistan et Charlotte Gainsbourg dans les Palmarès C'est fou, édition Franco. Numéro 14. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le vent, et toi qui chante tes poumons, on joue ensemble aux animaux. Griffe dans mon cuir et tes dents dures dans ma fourrure me font rire de plaisir. Et on fume écartelé un beau dimanche ensoleillé. Numéro 13. Douceur, touché, grâce, finesse, tape sur les fesses. Avec un pas. Netscape. Bonjour. Ma robe en papier de toilette des amis au Pakistan, c'est en 13e position du palmarès francophone. Ça monte de la 17e place. C'était nouveau la semaine passée. Avant d'entendre Bravo Funkin et Les Animaux, ça monte de 4 places. Et on a débuté le bloc avec Marie-Pierre Arthur et Elle. Et cette pièce-là, elle descend de la 9e position. Ça fait 8 semaines que c'est là, par contre. Donc, c'est sûrement sur sa fin, malheureusement, pour Marie-Pierre Arthur. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès C'est fou et je vous rappelle que vous pouvez aller voir les palmarès sur le site internet de C'est fou au www.cifou.ca et vous pouvez aller télécharger les balado-diffusions des éditions passées des palmarès et voir les liens de l'émission de la semaine sur assemblagerequis.com. Dans le prochain bloc, il va y avoir les trois accords et orange-orange, mais on débute avec une pièce qui descend de la 4e place, donc chute de 8. Voici Le chat du café des artistes par Charlotte Gainsbourg. Tout de suite, à C'est fou 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Je choisissais le pour qu'il me

Les trois accords et ton pantalon est plein en dixième position francophone. Ça descend quatre places. Avant ça, c'était Orange Orange avec Et je pleure, l'ancien numéro 2. Et on a débuté avec Charlotte Gainsbourg avec Le chat du Café des artistes. C'est l'ancien numéro 4 et c'est maintenant en douzième position. Salut l'album IRM. Et d'ailleurs, Charlotte Gainsbourg a fait son entrée du côté anglophone dans l'édition anglophone des palmarès la plus récente, là, en 17e position avec la pièce titre IRM. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès, c'est fou, hein? On rappelle les heures de diffusion, c'est mercredi pour l'anglophone et le jeudi pour le francophone, entre 13h et 15h, et tout ça est rediffusé le vendredi soir entre 17h et 20h. Si vous êtes le vendredi soir, ben cool pour vous autres, c'est vraiment un bel job. Prochain bloc, il va y avoir Monogrenade et Éléphantine, mais on débute avec les Mal Léchés. Voici une pièce qui a fait son entrée la semaine dernière. Elle est maintenant en 9e, donc saut de place, genre. Voici Jean Chèque encore. 19 moins 9, 9 jusqu'à la 9, 10, 10 plus, ouais, ouais, ça te sort, ok, ouais. On se trouve vendredi soir, je me prépare pour aller danser. Comme à l'habitude, je prends le bicycle que je viens de réparer. J'ai besoin de gaz, mais c'est mieux que les deux, je m'en vais au garage chez Gauthier. C'est une vieille habitude d'aller chez Gauthier le vendredi soir. Mais aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, je viens tout juste de la voir. Elle arrive presque en même temps que moi sur une moto sans âge qu'elle vient de réparer. Elle me dit, tasse-toi garçon, j'ai besoin de 100 plombs. Des bottes de cowboy maganées, les jeans usés, la camisole ajustée. Bon, tout de suite, convaincu qu'elle est née pour moi. Suite à cette boutade plutôt bien envoyée, la belle a tout de suite remarqué la moto sans âge que j'avais réparée. Ça m'a pressé comme un coup de barricade. Cette fille-là, je dois m'en approcher. J'aime son look, j'aime son bicycle, j'aime sa façon de marcher. Est proposé une ride dans un coin reculé. Sans même sourciller, elle a accepté. On a roulé toute la soirée. J'ai même oublié d'aller danser. C'est plus ou moins important. Me dit qu'elle était née pour moi. C'est bien simple, j'en shake encore. Ça fait deux jours que ça s'est passé. J'ai juste le goût de l'appeler. Elle me dit qu'elle était née pour moi. Numéro 8. I need a romance. Retour Monogrenade, la pâte à rose et Damien Robitaille dans les palmarès C'est fou, édition Franco. Numéro 7. Yeah. Mono Grenade est ce soir en 7e position du palmarès francophone. Ça monte la 16e. C'était nouveau la semaine dernière. Donc, gros, gros bon pour Mono Grenade. Avant, c'était Éléphantine avec Debout dans la file qui descendent 3 places. Et on a débuté le bloc avec les Mal Léchés et Jean Shake encore. Ça monte la 19e. Et c'était ça aussi nouveau la semaine passée. Ça vient de leur album Dans le Garage. Vous êtes dans l'édition francophone des palmarès C'est fou. Et je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1, c'était Polype avec Presse Citron. On va savoir très bientôt si c'est encore au sommet. On sait qu'on l'a pas encore entendu. Donc, ça se pourrait que ce soit encore au sommet. J'en ai aucune idée. Bon, je vous dis d'avance. Hein. Prochain bloc, les 5e et 6e places. Il va y avoir Damien Robitaille tantôt. Mais on commence avec la Patère Rose qui monte de la 15e place. Ça aussi, c'était nouveau la semaine passée. Voici Décapote. Ah, j'aime cette pièce-là, surtout à cause de son début à la Mario Bros. En tout cas, vous verrez bien. Regarde, attention. Je sais, c'est juste moi. Quel est le mot de passe? quel est le mot de bord. La femme sont faites pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche. Je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. De l'effet. Donne-moi le code secret. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Ah, ça c'est sexy, c'est Damien Robitaille avec un mot de passe en cinquième position franco. Ça descend de deux places et ça vient de son album Homme Autonome. C'était précédé de La Patte Rose avec Décapote, hein? C'est un bloc thématique presque. Ah, ça monte de la 15e place, c'était nouveau la semaine passée. Et fait divertissant pour les gens qui aiment ce genre de choses-là. Behind the scenes, c'est comme Behind the Music, le genre Super Musimax. Là. Mais les fonds de Artist of the Year, cette pièce-là, le fond en ce moment, celui-là, ça s'appelle My Finger Your Ass. Fait divers. Prochain bloc dans le palmarès francophone, il va y avoir Fred Fortin et Polype, mais on débute avec quelque chose qui monte de la 11e, donc ça monte beaucoup, beaucoup, beaucoup, et ça reste dans le thème de Décapote, de mots de passe pour avoir du dans le avec quelqu'un. Hein? Ça s'appelle « Toutes les filles sont folles de moi ». Voici Patrick et les Brutes, tous 89 FM, c'est fou, nos oreilles, et dans d'autres orifices. Nouvelle mise numéro 3. C'est trop compliqué. Fred Fortin et Mumu, ça monte de la 20e place pour venir s'insérer en deuxième position. Waouh, saut de 18. C'était nouveau la semaine passée, ça, Mumu de Fred Fortin. C'est super bon. C'est de l'album Plâtrer la Lune. Avant, c'était Polype et Presse Citron, l'ancien numéro 1. Mm-hmm. Et on a débuté le bloc avec Patrick et les Brutes qui montent de la 11e place avec Toutes les filles sont folles de moi. Donc, on a un nouveau numéro 1. C'est ça la chose importante à retenir de ce beau petit bloc musical excellent-là. Donc, nouveau numéro 1, je veux dire, je sais pas quoi faire avec ça. À part des jeux de mots, je ne sais vraiment jamais quoi faire avec le numéro 1. Je me dis, waouh, mais c'est tellement bon, je veux l'entendre tout de suite. Mais non, avant ça, faut que j'en parle. T'sais. C'est comme si j'envoyais des signaux de détresse, là, comme pour dire, hey, le numéro 1 est là, il y a un avion qui passe, puis là, t'as le professeur, t'as Marianne, t'as Gilligan. Et en première position. Même si chaque seconde. Je veux vivre avec toi. Moi je veux vivre dans le monde. Je le faisais déjà sans toi. Je sais que ce n'est pas facile. Que le cauchemar revient parfois. Oui mais nous serons. Numéro 1 des palmarès francophones de C'est fou. Avant de dire le numéro 1, on fait le récapitulatif des 5 premières. En 5e position, c'était Damien Robitaille avec Mot de passe. En 4e, Patrick et les Brutes avec Toutes les filles sont folles de moi. En 3e, Polype avec Presse Citron. En 2e, c'est Mumu de Fred Fortin. Et on vient entendre le numéro 1. Ça monte de la 10e place. Ça a pris seulement 3 semaines pour se rendre en haut. C'est le nombre avec Sur ton île. Et d'où là, c'est pour ça les jeux de mots poche avec Gilligan puis Marianne, puis comment qu'elle s'appelle l'autre, là, la belle là? Ginger Ale, qu'elle s'appelait dans son petit nom. Le nombre avec Sur ton île, voilà, ça vient de l'album Ville est fantastique. Les auditeurs du jeudi, nous on continue hein, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le top 30 des CD, dans le top 3 canadien, dans le top 10 électronique et dans le top 10 loud. C'est ce qui s'en vient après la pause. Les gens du vendredi soir vont nous quitter ou nous ont peut-être déjà quittés. C'est dépendant de quand est-ce que la pub de 8h va partir. Peut-être que maintenant je suis plus en onde. J'en ai aucune idée. Bref, vous allez nous quitter pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer que j'adore. Là, je niaise un petit peu sur le fait qu'ils m'ont coupé ma tune la dernière fois. Mais c'est pas grave, je les aime beaucoup. Les Lutins de l'Enfer s'en viennent à 20h, donc jeudi, on revient tantôt. Bye, reste là. C'est fou, 89 ans. Yeah! Bon, retour sur la deuxième partie des palmarès du fou. On appelle ça l'extra sauce brune. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et on va continuer pour une dernière demi-heure avec le top 30 des CD, le top 3 canadien, le top 10 électronique et le top 10 loud, comme on le fait toujours. On a fait le top 10 électronique hier. C'était pas mal le fun. Mais aujourd'hui, on va changer de beat un peu. On va commencer en regardant un petit peu ce qui se passe vers la fin du top francophone. Tantôt, c'est au début de l'émission, vers les 13h quelques, on avait passé deux pièces de la compilation, Les Frères du Son. Il y avait eu Valès Pariétaire et là, Ski. C'était tellement bon et on en entend partout, surtout dans le dîner de con ce midi. J'ai entendu quelques pièces de cette compilation-là. J'ai envie de l'explorer encore un peu. Il y en a tellement de pièces là-dessus. Il y en a 12 sur le CD2, 12 sur le CD1. Ça fait 24 pièces. Donc, on va entendre un petit peu de Playa ou Plagia tout à l'heure. Mais avant ça, on va entendre la pièce de Monsieur Mono qui est sur cette compilation des Frères du Son, volume 1. Voici l'abattoir remake dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Je pense que cette compilation-là, des Frères du Son, là, ça va faire du bien à ben du monde, ça. C'est plein de nouvelles affaires à écouter. Puis, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais j'aime bien ça. C'est pas drôle, sérieux. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, ça. Ouais. Je tourne en rond, mon ciel est noir, mon cœur est bon pour l'abattoir. J'y suis revenu, tu n'y étais plus. Supplier Plagiat et la pièce Kian Don dans les palmarès, c'est fou. C'était précédé de nos amis de... C'était précédé de nos amis, oui, de Monsieur Mono. En fait, c'est un ami, un gars. Hein, bon. Monsieur Mono avec l'abattoir Remake. Voilà deux pièces de la compilation Les Frères du Son, volume 1. Excellente compilation qu'on peut télécharger sur lesfrèresdusson.com. Et la raison qu'on en jouait, c'est que c'est aussi dans le top 20 francophone. Ça a fait son entrée avec deux groupes, Valse Parietta en 19e et Le Ski en 18e. Donc, cette compilation-là est très, très présente en ce moment dans le palmarès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écouter un classique, parce que écouter du plagiat, comme ça, ça m'a dit, ça me faisait comme penser que j'aime donc ça, plagiat, et surtout leur pièce Beautiful Explosion. Donc, c'est ça qu'on va l'entendre tout de suite pour continuer les palmarès, c'est fou, avec un bon vieux classique, tout de suite. Au 89 FM, c'est fou! Yeah. Gregory Pepper and His Problems avec la pièce I Was a John. C'était sur les palmarès à l'automne 2009. Et avant ça, on a entendu Plagiat avec Beautiful Explosion. Ça, c'était une nouvelle entrée dans les palmarès en janvier 2008. Voilà notre petit bloc de classiques pour nous ici à C'est Fou. On les connaît beaucoup, ces pièces-là, on les a fait jouer énormément. Donc voilà, des classiques gold hits selon C'est Fou. Maintenant, on va continuer avec un petit bloc pour explorer un petit peu plus nos nouvelles entrées du côté anglophone. Et même, on pourrait quasiment appeler ça du top 30 des CD, hein, parce que ça fait aussi fait son entrée dans le top 30 des CD. Hier, on a entendu la formation Set the Whale et Yukon Blonde en 18 et 19e position, ce top 30-là. Aujourd'hui, on va entendre la position numéro 20. La formation s'appelle Make Me Young et leur album aussi. On va entendre la pièce The Optimist, ça se passe maintenant, pour en connaître plus sur cette formation. Top 30 des 7 ans. La pièce The Optimist de la formation Make Me Young, qui est une nouvelle entrée, en fait, l'album dans le top 30 des CD. Ça vient d'entrer en 20e place et c'est aussi en position numéro 20 du top anglo avec la pièce The Materialist. Oui, c'est très, très bon, ça. Avant de continuer avec une petite exploration, si on veut, du palmarès Earshot, voici, en fait, allons rejoindre le co-animateur d'Assemblage Requis, Mathieu Plante, pour savoir ce qui s'en vient tantôt à Assemblage Requis. Jeudi à Assemblage Requis. Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault vident la question de la virilité dans leur capsule humoristique. Et Stéphanie Gagné partage ses coups de cœur artistiques et culturels dans ton plat favori. Tout ça à Assemblage Requis, jeudi, 15h. Et c'est ce qui s'en vient à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées à partir de 15h. Soyez-y, s'il vous plaît. On va faire une petite exploration, comme je disais, du palmarès Earshot. Et évidemment, ça, c'est le palmarès des radios universitaires et communautaires partout au Canada. Au numéro 5 de ce palmarès-là, on retrouve la formation de Parkez avec l'album You Should Have Killed. Et là, je suis sur leur MySpace, au myspace.com/Parkez, étonnamment, quand même. J'apprends que c'est un groupe de Toronto, en Ontario. Et j'apprends aussi qu'une de leurs pièces bien appréciées des gens. C'est The Gang's All Done. Donc, c'est ce qu'on va aller entendre tout de suite dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Yeah. could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Hi, things have gotten closer to the sun. I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest, hi, hi, hi. Formation DXX qui est en sixième position du palmarès Earshot, donc des radios universitaires et communautaires du Canada. Leur album s'appelle aussi XX et on a entendu la pièce Crystallized. Avant, on a entendu The Parkers et The Gang's All Gone. Ça, c'est la position numéro 5, leur album You Should Have Killed dans le palmarès Earshot. Et le reste du palmarès Earshot ressemble à ça. En quatrième, The Flaming Lips avec Embryonic. En troisième, You Say Party, We Say Die avec Quadruple X. En deuxième, Tom Waits avec Glitter and Doom Live. Et en première, c'est Tegan and Sarah avec Sainthood. Ça, c'est pour pas mal le mois en cours, février 2010. Palmarès Earshot dans le journal Exclaim. On a presque terminé cette édition des Palmarès C'est fou. On va avoir le temps d'écouter une dernière pièce là de Moonin qui sont en position numéro 38 du Palmarès Sear Shot avec The World I Want to Leave Behind. On va écouter le morceau Believe pour se quitter. Et puis après ça, il y aura Assemblage Requis avec Kiwan qui va se joindre à moi à partir de 15h pour discuter de plein de sujets super le fun. On va aussi avoir la visite de Vito en question avec leur capsule humoristique sur la virilité. Quelque chose que Kiwan connaît très très bien, la virilité. Je veux dire, c'est un gars avec des poils moustache. Ça dépend des jeux. Tout de suite, Moonin et Believe. À tout à l'heure. Comme une barbe qui pousse. Mais ça chante, donc je peux pas vraiment parler par-dessus. Le gars qui chante, ça aurait l'air complètement fou. J'aime ça faire ça. Did you wake up today? Did you find the strength to say the world is your own? Did you look up today? The world is your own. To be left here alone, your own way. You gotta believe. You gotta believe. And you'll find your own way. And you gotta smile. Still still feel sideways? Well, damn this backwards way, way of thinking.